Troisième partie, chapitre 38, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 38. Avertissement pour les personnes mariées. Le mariage est un grand sacrement, je dis, en Jésus-Christ et en son Église. Il est honorable pour tous et en tout, c'est-à-dire en toutes choses. Pour tous, car les vierges même les doivent honorer avec humilité. En tous, car il est également saint entre les pauvres et entre les riches. En tout, car tout y est saint, son origine, sa forme, sa matière, sa fin et ses utilités. C'est l'état par lequel le Seigneur peuple la terre de ses fidèles adorateurs pour en remplir le nombre de ses élus dans le ciel, si bien que la conservation de son unité et de sa sainteté est absolument nécessaire pour le bien de chaque état, qui en tire toute sa prospérité. Plus à Dieu que son Fils bien-aimé fut appelé à toutes les noces, comme il le fut à celle de Cana. Le vin spirituel des consolations et bénédictions spirituelles n'y manquerait jamais, au lieu qu'il y manque ordinairement, parce que l'on fait présider à ses alliances Maman, le Dieu de richesse, avec Adonis et Vénus. Qui veut rendre un mariage heureux doit y entrer par la sainteté du sacrement. Mais tout au contraire, la vanité, la folle joie du monde, l'intempérance et la licence des paroles en font l'ouverture. Faut-il donc s'étonner qu'il soit encore si déréglé dans ses suites? Sur toute chose, j'exhorte les personnes mariées à l'amour mutuel que le Saint-Esprit leur recommande tant dans l'Écriture. Ce n'est rien de leur dire. Aimez-vous l'un l'autre d'un amour naturel, car cet amour se trouve ailleurs que dans la société humaine, ni de leur dire encore « Aimez-vous d'un amour humain et raisonnable », car les païens l'ont eu. Mais je leur dis après le grand apôtre « Marie, aimez vos femmes, comme Jésus-Christ aime son Église, et vos femmes, aimez vos maris, comme l'Église aime son Sauveur. » Ce fut Dieu qui présenta Ève à Adam et qui la lui donna pour femme. C'est aussi la main de Dieu qui a préparé les sacrés liens de votre mariage et qui vous a donné les uns aux autres. Pourquoi donc ne vous chérirez-vous pas d'un amour tout saint et surnaturel? Le premier effet de cet amour est l'union indissoluble des cœurs après qu'elle a été sanctifiée par l'application des mérites du sang de Jésus-Christ dans le sacrement. C'est pourquoi elle est si forte que l'âme du mari ou de la femme se doit plutôt séparer de son corps que le mari et la femme se séparent l'un de l'autre. Et cette union est moins celle des corps que des cœurs. Le second effet de cet amour est la fidélité inviolable que l'on se doit réciproquement. Le cachet était anciennement gravé sur les anneaux que l'on portait au doigt, et la Sainte Écriture même nous montre cet usage. Voici donc le mystère d'une des cérémonies de mariage. L'Église bénit par la main du prêtre un anneau qu'il donne premièrement à l'homme comme le sceau de sacrement, qui ferme son cœur à tout autre amour qu'à celui de son épouse, tandis qu'elle vivra. Après cela, l'homme remet cet anneau en la main de son épouse pour lui apprendre que tandis qu'il vivra, elle doit tenir son cœur fermé à tout amour étranger. Le troisième fruit de mariage est la génération légitime des enfants et leur bonne éducation. Et c'est le grand honneur de cet état que Dieu s'en serve pour multiplier les âmes en qui il prétend se glorifier éternellement. Homme, conservez donc un amour tendre, sincère et constant pour vos femmes. Car c'est pour cela que la première de toutes fut tirée du côté le plus proche du cœur d'Adam. Bien loin donc que les faiblesses et les infirmités, soit de corps, soit de l'esprit, vous en doivent donner de mépris. Cela même vous y oblige à en avoir une compassion tendre et amoureuse, puisque Dieu les a créées telles qu'elles sont, afin que la nécessité de dépendre de votre protection les tint dans un plus grand respect, et que vous en fussiez le chef et le supérieur, quoi qu'il en ait fait vos compagnes. Et vos femmes, aimez vos maris d'un amour aussi respectueux que tendre et sincère, car le Seigneur leur a donné ce caractère de force prédominante pour obliger la femme à vivre dans la dépendance de l'homme, comme étant un os de ses os et un chair de sa chair. Le premier de votre sexe fut tiré de dessus le bras de l'homme, afin que toutes sources qu'elles doivent se tenir sous la main et sous la conduite de leur mari. Mais l'Écriture sainte, qui vous recommande si fort cette soujection, vous l'adoucit extrêmement, puisque, voulant que vous vous y accommodiez avec amour, elle ordonne à vos maris de ne l'exiger qu'avec beaucoup d'amour et de suavité. Marie, dit saint Pierre, conduisez vos femmes avec une respectueuse discrétion, les considérant comme les vases fragiles, et vous souvenant qu'elles doivent partager avec vous l'héritage de la grâce et de la vie. Mais, tandis que je vous exhorte les uns et les autres à bien cultiver cet amour mutuel, prenez garde qu'ils ne deviennent jaloux, parce que l'on voit souvent que comme le ver se met dans le fruit le plus exquis, la jalousie se forme aussi de l'amour le plus ardent, et puis, l'ayant dépravé, elle en fait naître insensiblement les défiances, les querelles, les dissensions et le divorce. Il est certain que l'amitié fondée sur l'estime d'une vraie vertu n'est point susceptible de jalousie. C'est pourquoi la jalousie est une marque indubitable d'un amour imparfait, grossier, sensuel, et qui a découvert dans le cœur auquel il s'est attaché une vertu faible, inconstante et sujette à donner des soupçons. C'est donc une sotte vanité de l'amitié de vouloir la faire estimer par la jalousie, car si la jalousie est une marque de la véhémence de l'amitié, elle n'en est pas une de la purité ni de la perfection de l'amitié. Puisque la perfection de l'amitié présuppose une vertu sûre dans les personnes qu'on aime, et que la jalousie en présuppose l'incertitude. Hommes, si vous attendez de vos femmes une grande fidélité, donnez-leur en vous-même un grand exemple. Avec quel fruit, dit saint Grégoire de Nazianze, voulez-vous que vos femmes soient sujettes aux lois de la pudicité si vous vous laissez aller à la licence de la volupté? Pourquoi leur demandez-vous ce qu'elles ne trouvent pas en vous? Voulez-vous qu'elles soient chastes? Commencez par rendre bien pure la société que vous avez contractée avec elles, et que chacun, comme dit saint Paul, sache posséder son vase en esprit de sanctification. Si au contraire vos mauvaises manières corrompent en elles la purité des mœurs, ne vous étonnez pas qu'auprès cela, votre honneur souffre de leur infidélité. Mais vous, femmes, en qui l'honneur est inséparable de la pudeur, soyez extrêmement jalouses de votre gloire, et ne permettez jamais qu'aucune liberté mal réglée en ternisse l'éclat. Craignez toutes choses autour de vous, pour petites qu'elles soient. Ne souffrez jamais aucune cajolerie, ni sorte flatterie. Quiconque veut louer les avantages naturels que la ciel vous a donnés, vous doit être suspect. Car l'on dit communément que celui qui loue avec chaleur une marchandise qu'il ne peut pas acheter est ordinairement fort tenté de dérober. Mais si l'on veut joindre à vos louanges le mépris de votre mari, l'on vous offense infiniment, parce qu'il est évident que non seulement l'on veut vous perdre, mais que l'on vous tient déjà pour demi-perdu. Et véritablement, le marché est à demi-fait avec le second marchand, qu'on ait dégoûté du premier. Lorsque j'ai fait réflexion qu'on donna à la chaste Rebecca de riches pendants dorés de la part d'Isaac, son époux, comme le premier gage de son amour, j'ai pensé que cet ornement, dont l'usage est de tout temps établi parmi les femmes, était plus mystérieux que l'on ne croit, et que n'a cru Pline, que n'en marque pas d'autre raison que le plaisir d'un certain bruit que se fait à leurs oreilles, et qui flatte agréablement leur vanité. Pour moi, je crois, selon cette observation de l'Écriture, que c'est pour marquer le premier droit de l'époux sur le cœur de son épouse, qui doit fermer l'oreille à toute autre voix qu'à la sienne. Car enfin, il se faut toujours souvenir que c'est pas l'oreille qu'on empoisonne le cœur. L'amour et la fidélité produisent ensemble une douce et familière confiance qui se manifeste par les démonstrations tendres et amoureuses, mais chastes et sincères. C'est ainsi que les saints et les saintes en ont usé dans leur mariage. C'est ce que l'Écriture a remarqué dans la conduite d'Isaac et de Rebecca. Et par où Abimelech reconnut ce qu'ils étaient l'un à l'autre. C'est ce qui fit presque blâmer le grand saint lui, qui tout dur qu'il était à sa propre chair, avait une tendre amitié pour la reine, son épouse, à qui il donnait souvent des marques extrêmement démonstratives. Mais on aurait dû plutôt le louer de ce qu'il savait si bien quand il voulait se défaire de son esprit guerrier pour s'accommoder à ses menus devoirs si nécessaires à la conservation de l'amour conjugal. Car bien que cette petite démonstration d'amitié ne lie pas les cœurs, elle les approche et serve à faire l'agrément d'une douce société. Sainte Monique, étant grosse de Saint Augustin, le consacra par plusieurs oblations à la religion chrétienne et à la gloire de Dieu, comme il le témoigne lui-même, en disant qu'il avait déjà goûté de la ventre de sa mère le sel sacré et des vins. C'est une grande instruction pour les femmes chrétiennes qu'ils doivent offrir à la Divine Majesté leurs enfants avant qu'ils soient nés, parce que Dieu qui accepte ce qu'un cœur humble lui présente, donne ordinairement sa bénédiction en ce temps-là à la foi et à l'amour des mères. Témoin, Samuel, saint Thomas d'Aquin, saint André de Fiesole et plusieurs autres. La mère de saint Bernard, digne mère d'un tel fils, prenait ses enfants entre ses bras aussitôt qu'ils étaient nés, les offrait à Jésus-Christ et commençait à les aimer avec respect, comme un dépôt sacré que Dieu lui avait confié. Et cette piété lui réussit si bien qu'ils furent tous sept très saints. Mais dès que la raison commence à se développer dans les enfants, c'est alors que les pères et les mères doivent avoir un grand soin d'imprimer la crainte de Dieu en leur cœur. La bonne reine Blanche eut une vive attention à s'acquitter de ce devoir envers Saint-Louis, son fils, lui disant fort souvent « J'aimerais mieux, mon cher enfant, vous voir mourir devant mes yeux que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Maxime, qui fit une telle impression sur l'âme de Petit Prince, que comme il l'a témoigné lui-même, il ne passait jamais un jour de sa vie sans en rappeler le souvenir et sans la faire servir à se précautionner contre les occasions de péché. Nous appelons en notre langue les familles des maisons et les Hébreux pour signifier la génération et l'éducation des enfants. C'est servi de cette expression si commune dans l'Écriture. Bâtir une maison, faire sa maison. Et c'est en ce sens qu'il est dit que Dieu édifia des maisons aux sages femmes d'Égypte. Apprenons donc que ce n'est pas faire une bonne maison que de faire entrer les biens du monde, mais qu'il faut y élever les enfants dans la crainte de Dieu et dans la pratique de la vertu, et parce qu'ils sont la couronne du père et de la mère, on n'y doit épargner ni soin ni peine. Ainsi, sainte Monique combattit avec tant de ferveur et de constance les mauvaises inclinations de son fils, que l'ayant suivi par mer et par terre, elle obtint de Dieu sa conversion, et il fut plus heureusement l'enfant de ses larmes que de son sang. Saint Paul, dans les règles qu'il donne de l'économie chrétienne, laisse en partage aux femmes le soin de la maison. Et véritablement, l'on a raison de croire que leur piété est plus utile au bon ordre d'une famille que celle de leur mari, qui sont trop occupés des affaires de dehors pour pouvoir régler leur domestique. C'est aussi pour cette raison que Salomon, en ses proverbes, attribue l'ordre et le bonheur de la famille à la prudence et aux soins de la femme forte dont il nous fait le caractère. L'Écriture nous apprend qu'Isaac pria le Seigneur pour Rebecca, sa femme, qui était stérile. Et le texte hébreu marque que l'un et l'autre priaient chacun de son côté, et leur prière fut exaucée. Voilà justement la plus excellente et la plus utile union qui puisse être entre un mari et une femme, que celle de la dévotion à laquelle ils se doivent porter l'un l'autre avec une sainte émulation. Car un homme sans la dévotion est naturellement fâcheux, violent, dur et incommode, semblable à ce fruit qui, ayant un souk trop âpre comme le coin, ne sont guère bons qu'en confiture. Une femme sans la dévotion est extrêmement faible, fragile et sujette à perdre ce qu'elle a de vertu, semblable à ces fruits tendres et délicats comme les cerises qui ne conservent jamais leur bonté qu'étant confit. L'homme infidèle, a dit saint Paul, est sanctifié par la femme fidèle, et la femme infidèle sanctifiée par l'homme fidèle. Parce que l'amour conjugal porte un grand attrait à suivre les vertus où elle paraît. Mais quelle bénédiction reprendra donc le ciel sur un mari et une femme, tous deux fidèles, qui savent se sanctifier l'un l'autre par une véritable crainte de Dieu. Au reste, il faut qu'ils sachent si bien se supporter l'un l'autre dans leur imperfection, que de moins ils ne se fâchent jamais tous deux en même temps, de peur de donner lieu à des mauvaises contestations et à la dissension, parce que, comme les abeilles, ne s'arrêtent pas dans les lieux où l'on entend le voix retentir par les échos. Le Saint-Esprit n'habite point en une maison de tumulte, de bruit et de querelle. Nous savons, dit saint Grégoire de Nazianze, que de son temps, les chrétiens faisaient tous les ans une fête du jour de leur mariage, et j'approuverai fort cet usage parmi nous, pourvu qu'on voulût en bannir toute la joie mondaine et sensuelle, de sorte qu'on sanctifiât ce jour par la confession et la communion, par l'application à demander au Seigneur la continuation de ses bénédictions, par le renouvellement des intentions et des désirs de se sauver, et par une nouvelle protestation d'amitié et de fidélité, car ainsi on prendrait de nouvelles forces en Jésus-Christ pour remplir tous les devoirs de son état et en soutenir patiemment les peines. Fin du chapitre 38, troisième partie.